Le bal des jeunes étudiants pour le 25 avril s'est déroulé le 25 dans divers endroits de Pyongyang, le chef-lieu des provinces, villes et arrondissements.